Episode Overdrive on Radio Dio. Oh, Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, Yngwie Malmsteen avec son deuxième album Marching Out. On retourne à l'année 1985 sur cet album Marching Out et le morceau I Am a Viking, qui n'a pas pris une ride, un superbe album de heavy metal néoclassique. Voilà, donc restez bien calés sur le 895 de Radio Dio. Ce soir dans Overdrive, on aura de l'excellente musique, on aura également un jeu concours pour un concert de metal qui se passera sur Saint-Étienne. J'en parlerai un peu plus tard dans l'émission. Bien entendu, des petites places à rafler pour ce concert au fil qui aura lieu au courant du mois de mars. Donc il faudra appeler à ce moment-là dans les studios de la radio. Et pour l'heure, on s'envoie le dernier album de The Helicopters pour ce groupe de High Energy Rock'n'Roll suédois, un groupe qui s'est reformé il y a quelques années et qui nous a sorti l'année dernière un excellent album. Ici, ils ressortent dans une version remixée leur album Grande Rock, qui était originellement paru en 1999. On y retrouve bien entendu toujours l'énergie du groupe et également un son qui se veut un peu plus clair, parce que c'était quand même assez énergique, on peut dire, à l'époque. Ça reste de l'excellente qualité et ils ont aussi inclus en bonus de l'album la version originale. Donc vous pouvez jouer un petit peu au jeu des différences. Et ce sera Welcome to Hell. Attention, ce n'est pas une reprise de Venom et c'est le groupe The Helicopters. I'm Yes, vous venez d'entendre Helicopters Welcome to Hell pour un morceau tout en groove ici dans Overdrive Radio Duo. On va continuer maintenant avec encore une fois de l'excellente musique. Ce sera autour du groupe Smoking Snake qui nous sort cet album sur Frontiers Records. Ça s'appelle Danger Zone pour un groupe qui nous vient de la scène de Göteborg et qui nous sort de l'excellent hard rock bien envoyé et direct, exactement comme j'aime, dit-on. Fire, I survive. I'm burning brighter, standing on top. screaming in my head. Where is your God now? Pulling out nails from the coffin they call my bed. Digging my grave out. Life had forsaken me, left me alone to bleed. I was ready to meet my maker. Now I'm alive. I walk through fire, I survive. I'm burning brighter, standing on top of the world. I ain't coming down. I'm alive. I become the fire, rising high. I'm burning brighter. The day I climb down through my darkest hour, I found my higher power. It was the death of me that made heaven speak. Heard the angels calling out my name. It was a eulogy for the part of me that will never ever be the same. It took a fall to rise, to open blinded eyes. The day I died was the day I came back to life. Vous venez d'entendre le chanteur Scott Stapp, connu pour son sa participation au groupe Creed. Donc, bien sûr, avec Mark Tremonti, on est assez proche, bien entendu, du groupe de Mark Tremonti qu'il a fait ensuite, qui s'appelle, bien entendu, Alter Bridge. Donc, gros son à l'américaine, gros refrain que l'on peut entonner également dans une arena. C'était Scott Stapp avec Higher Power. On passe maintenant au groupe très connu en Suède qui s'appelle Takida, qui nous sort un bon vieux rock ici, assez moderne. Ce sera à venir sur leur album The Agony Flame en 2024, et ce sera le morceau qui ouvrira le disque avec Third Power. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo. Kida après avec The Agony Flame et cet album The Agony Flame et ce morceau Third Strike, voir le jour sur le label Napalm Records. Il est 22h maintenant sur le 895 de Radio Dio. Il est temps de passer à du metal progressif avec North Sea Echoes qui voit le jour sur Metal Blade Records. Il s'agit du nouveau projet de Ray Adler et Jim Maffeos qu'on a connu tous les deux au sein de Fates Warning pour l'un des meilleurs groupes de metal progressif américain en compagnie de Queensryche et de Dream Theater. Donc, ils avaient monté énormément de projets. Donc, ce Ray Adler, on l'a vu également au micro avec le groupe Redemption qui a sorti d'excellents disques de métal progressif là aussi. Ils nous sortent un projet assez intimiste, donc ils sont les seuls musiciens vrais sur ce disque. Ils ont dit que ils ne feraient plus d'album avec Fates Warning, mais qu'ils allaient maintenant se consacrer à ce nouveau projet. Et bah, c'est tout simplement tout le mal qu'on leur souhaite, puisque c'est vraiment absolument somptueux. North Sea Echoes et cet album Really Good Terrible Things. My pulse begin to race with every single moment. Comes another memory I can't place. Did someone call my name? It's difficult to blame others for the state that I am in, but I don't feel the same. Those years gone by have changed us all, us all. No pain I feel, no the warmth of the sun. Back. Yes, excellence Nancy Echoes. On est là proche du projet Tuesday the Sky, qui est un projet quasiment instrumental et ambiant qu'avait fait le guitariste Jim Matheos de Fate Warning. Donc énormément de projets pour ce guitariste. On l'avait vu avec Arch Matheos, avec lequel il retrouvait le premier chanteur de Fate Warning, John Arch. On l'avait vu également dans Hey Z avec Mark Zander. Bref, beaucoup, beaucoup de choses différentes et encore une fois toujours très inspirées et de qualité, comme vous l'entendez sur ce North Sea Echoes qui voit le jour sur Metal Blade Records. Une autre grosse sortie de ce mois de février 2024, il s'agira du nouvel album solo de l'ancien Emperor, enfin ancien et actuel, même si Emperor n'a pas sorti de disque depuis 2001, le groupe reste actif ponctuellement en concert, notamment sur des scènes de festival. En tout cas, sur cet album Isan, un album éponyme, on a là ainsi un diptyque, puisque l'album sort en deux versions, une version orchestrale et une version plus métal. Donc ici, le musicien norvégien a essayé de pousser un petit peu l'expérimentation un peu plus loin que d'habitude, hein, même s'il n'est pas vraiment habitué à ce qu'il fasse toujours la même chose. Isan, il l'a prouvé tout le long de sa carrière et ça reste très bon, à la fois metal, black metal, et envoûtant à la fois, notamment sur cette partie orchestrale qu'il a arrangé lui-même. On s'envoie tout de suite le morceau The Promethean par Isan. Vous venez d'entendre Sand of Time, morceau titre par le groupe Satra, du metal orchestral avec des touches un petit peu orientales, sorti sur cet album éponyme Sand of Time par le groupe Satra. C'est sur MNO Music, des influences un petit peu Nightwish, je trouve, sur ce morceau en particulier. Maintenant, on va passer sur du death metal un peu plus mélodique, d'influence nordique, ça s'appelle Vanir. Sorti sur le label danois Mighty Music, ce sera extrait de cet album Epitome, le morceau One Man Army. Yes, Vanir tout de suite, One Man Army, je l'ai annoncé dans Overdrive, Radio Dio, on aura de la très très bonne musique et également des places à gagner pour Overdrive et par Overdrive et tout particulièrement pour le concert de Massisteria qui se tiendra le vendredi 15 mars prochain du côté du Fil de Saint-Étienne en compagnie de Code Altes. Ce sera vendredi 15, Massisteria au Fil de Saint-Étienne, des places à gagner par Radio Tube dans Overdrive pour avec un titre diffusé de extrait de l'album Tenace Part 1 et Tenace Part 2, le diptyque qui est sorti en 2023 respectivement au mois de mai et au mois d'octobre. Donc voilà, donc pour gagner une place, rien de plus simple, un petit coup de fil dès que la musique commence au 04 77 25 05 80 14. On est à l'ancienne ici à Radio Duo, tout simplement. Un petit coup de fil sur la ligne fixe au 04 77 25 05 94. Je le répète une dernière fois, pas de QR code ici chez nous. 04 77 25 05 94. 04 77 25 05 94 pour effleurer des places pour Massisteria. Feel Comme je l'ai dit, des places à gagner pour le concert de Massisteria. Ça se tiendra le 15 mars prochain du côté du Fil de Saint-Etienne avec Code Altes en première partie. Et maintenant, le titre qui ouvre la deuxième partie du diptyque Tenace, Tenace Partout. Donc une première partie, 7-8 titres qui étaient sortis au mois de mai. Et la deuxième au mois d'octobre. Un peu sur le même principe que ce qu'a fait Rival Sons également l'année dernière avec son Lightbringer et Dark Fighter. Une version un poil plus calme sur Lightbringer et un poil plus rock sur Dark Fighter et qui se valait un tout uni. C'était un excellent album là aussi. Massisteria, on rappelle les classes à gagner pour le concert au Fil de Saint-Etienne. Ça se tiendra le 15 mars prochain et des places au 04 77 25 05 94. Écoutez toujours Overdrive Radio. Yes, excellent que ce Mass Hysteria. Et on continue avec Hippotractor qui nous sort ce morceau Silver Tongue sur Pelagic Records. Hippotractor, dans un style là aussi assez moderne. Yes, Hippotractor tout de suite, Silver Tongue, et on va continuer dans Overdrive avec maintenant du méchant. On va quasiment terminer l'émission, un poil plus court ce soir. L'appel du néant par le groupe Salo. Ça sort sur la Source Atone. Après un premier EP paru en 2021, le groupe nous revient avec une musique d'influence, bien entendu, black metal, mais avec un côté un peu plus sale, un peu plus crust encore, et puis des influences, bien sûr, industrielles. Il en sort une musique très poisseuse qui n'est pas faite pour être écoutée, on va dire, à l'église le dimanche matin. Ce sera J'affronte la mort tout de suite, extrait de cet album L'appel du néant par Salo, avec en invité le mec de Carins, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. On ne naît qu'une fois, on ne meurt qu'une fois, il se passe rien. Prends ça avec philosophie. Le premier tour va commencer. We'll be right back. Voilà, on va revenir dans Overdrive sur l'album de Ihsahn avec ce même morceau qu'on a entendu tout à l'heure, The Promethean, cette fois dans sa version orchestrale pour jouer encore une fois au jeu des différences. Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. On rappelle le concert de Massiteria qui se tiendra sur la scène du Fil de Saint-Étienne le 15 mars prochain. Ce sera en compagnie de Code Altest. On aura encore une fois des places à gagner la semaine prochaine dans Overdrive Radio Dio. On rappelle le www.facebook.com/overdrive-radio-dio. On rappelle également les podcasts sur la plateforme Mixcloud, facebook.com/overdrive-radio-dio.org. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Plus. C'est comme si par